Chapitre deuxième, le train de bateau. Peste soit de l'importun, s'était écrié le docteur Christian dans la vivacité de son désappointement. D'où vient-il? D'où tombe-t-il? Celui à qui ces paroles s'adressaient, et qui ne pouvait les entendre, tombait perpendiculairement de la cime d'un léard. Il portait autour du cou une corde de chanvre solidement tordue et assez forte pour le pendre tout de bon, si la branche qui lui servait de point d'appui ne se fût en éclatant séparée du tronc. Le docteur détacha la corde, bientôt l'inconnu rouvrit les yeux, mais il semblait ne rien voir, et aucune parole ne sortait de sa bouche entr'ouverte. Pendant ce temps, le docteur lui remuait doucement les bras et les jambes, cherchant à reconnaître s'il ne s'était cassé aucun membre dans sa chute. Peu à peu, le jeune homme reprit ses sens. La secousse qu'il avait ressentie le tenait dans une sorte d'engourdissement. Mais les branches inférieures du léard et les touffes serrées des luisettes, en soutenant le poids de son corps, l'avaient empêché de se faire aucune blessure. Quand ses regards eurent recouvré toute leur lucidité, il prit la main du docteur. « C'est vous, monsieur Christian ? » dit-il d'une voix entrecoupée. « Où suis-je donc ?»« Mais dans les luisettes, mon ami. Si vous aviez choisi un chêne au lieu d'un léard, pour accomplir votre fatale résolution, vous seriez à 30 pieds en l'air, mort et bien mort en vérité. Cela sera peut-être plus heureux pour moi. La vie est un bien, jeune homme, et si elle a ses peines, ses chagrins, il faut savoir les surmonter. Allons, relevez-vous, là. Adossez-vous contre ce talus. Voyez comme il fait bon vivre ce matin. C'est vrai, répondit le jeune homme. Ça fait grand bien de respirer lorsqu'on a eu la gorge serrée. Quand la branche a cassé, j'avais déjà perdu connaissance. Mais en revenant à la vie, je retrouve mes misères, mes chagrins. Si j'avais fermé les yeux pour toujours, on aurait dit dans l'île « Jacques s'est pendu ». Madeleine n'aurait pas eu pour moi une larme, et puis on m'aurait bien vite oublié. Allons, allons, ce qui est manqué est manqué. Vous ne recommencerez pas au moins, vous me le promettez, foi d'honnête homme. Promettez-moi aussi, vous, de ne rien dire, répliqua Jacques. « Parce que voyez-vous, dans ces choses-là, il faut réussir, ou bien on se fait moquer de soi. »« Pas un mot ne s'échappera de mes lèvres, comptez-y. Les médecins savent être discrets. »« Vous aimez donc Madeleine, la fille du pêcheur ?»« Hélas, oui. Depuis l'enfance, je la connais, étant née moi-même au village de Béhuard. »« Je suis soldat à présent, mon semestre va finir et il faut que je retourne au régiment. »« Eh bien, vous la retrouverez quand vous viendrez. »« Oui, je la trouverai, mariée. » Il y a un marinier qui la recherche, un grand brun qui a des boucles d'oreilles en forme d'encre, un fameux garçon, et plus riche que moi, qui n'est pas grand-chose. Le père Léonard lui a fait bon accueil parce qu'il a de l'argent, et puis il aime les gens de la Loire en sa qualité de pêcheur. Et Madeleine? Madeleine a de l'amitié pour moi. Mais de l'amitié, ça ne prouve rien. Elle n'est point fière, bien sûr. Elle me dit bonjour quand elle me rencontre, comme à tout le monde. Si vous restiez chez vous, si vous ne quittiez point le pays, reprit le docteur. « Croyez-vous que vous finiriez par vous faire agréer de la jeune fille ?»« Dame, peut-être bien. Mais bon, les absents ont toujours tort. Dans quelques jours, je ne serai plus ici, et dès ce soir, peut-être l'autre viendra. Il a dû partir hier de Nantes avec ses bateaux, et le vent est bon. »« Quel est votre état ?»« Cultivateur, paysan. Ma famille possède quelques boisselets de terre. » Nous y semons du chanvre que je mets à rouillir dans la Loire à la fin de l'été. C'est là que je voyais Madeleine avant d'entrer au service. Son père nous aidait à couler au fond de l'eau les meules de chanvre et Madeleine travaillait avec lui. Un jour, il m'a fallu quitter mon champ, les bords de la Loire, la vie paisible et celle que j'aimais. Ce garçon-là doit savoir quelque chose de la fauvette bleue, pensa le docteur. Et s'adressant au jeune paysan, vous avez encore 3 ans à faire ? Hélas, oui. 3 longues années. Jamais je n'irai jusqu'au bout. Quand on a le mal du pays, on est mort longtemps avant d'être mis en terre. Mon pauvre garçon, reprit le docteur, il n'y a qu'un moyen de vous tirer de là, c'est de vous racheter. Avec quoi, monsieur? Avec de l'argent. Si vous en manquez, j'en ai un peu chez moi, quelques économies qui dorment dans un tiroir. Jamais je ne pourrai vous le rendre. Eh, parbleu, je le sais bien. Aussi ne s'agit-il pas de vous prêter la somme dont vous avez besoin, mais de vous en faire présent. Voyons, venez un de ces matins chez moi, de bonne heure, car je suis matinal. Est-ce tout de bon que vous parlez ainsi ? Demanda Jacques en fixant sur le docteur des yeux attendris. Tout de bon, en vérité. En retournant chez moi ce soir, je jetterai deux mots dans l'oreille du vieux pêcheur et je tâcherai de savoir ce qu'il pense. Mais enfin, monsieur Christian, c'est donc bien vrai que vous me rachetez ? Mon ami, répliqua le docteur, par de belles matinées comme celle-ci, on sent bouillonner dans son cœur je ne sais quelle sève qui nous porte à faire le bien. Et moi, répondit Jacques en pleurant, j'ai fait le mal en cherchant à me détruire. Plus l'homme est mauvais, plus Dieu est bon. C'est lui qui vous a envoyé vers moi pour me sauver et aussi pour me faire honte de ma lâcheté. Voyons, jeune homme, prenez mon bras. Je vais vous reconduire chez vous. Désormais, vous n'êtes plus soldat, c'est convenu. Je reviendrai vous voir. Il vous faut quelques jours de repos, entendez-vous? Si l'on m'interroge, je répondrai que vous avez fait une chute et c'est la vérité. Le docteur se mit à marcher avec Jacques par les sentiers étroits de l'île, qui n'ont guère plus d'un pied de large, tant on a économisé le terrain. La maison habitée par les parents du jeune paysan était située en face du grand bras de la Loire. Sauf l'inconvénient d'être envahie par les eaux à l'époque des fortes crues, elle offrait, dans sa simplicité rustique, tous les agréments désirables, une vue ravissante, un air salubre, la fraîcheur des eaux durant l'été, pendant l'hiver l'abri des sols épais, et puis cette tranquillité charmante dont on jouit dans les îles. « Au revoir, Jacques, » dit le docteur en s'arrêtant sur le seuil. « Je comprends qu'il soit cruel d'abandonner ces lieux paisibles. Vous y resterez, mon ami. » Puis, revenant sur ses pas, « Dites-moi, je vous prie, vous qui travaillez tout près des luisettes, n'auriez-vous jamais aperçu une certaine fauvette qui a les ailes et le dos de couleur bleue? On n'a guère le temps, quand on bêche la terre, d'examiner les oiseaux. La fauvette bleue est rare, mon ami, très rare. Elle habite les oserais, cela est incontestable. Depuis des années, je la cherche. Et tout à l'heure, j'ai cru la voir. J'oserais dire que je l'ai vue. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'elle doit nicher par ici, et je donnerais tout au monde pour avoir son nid. Vraiment, monsieur, ça vous ferait plaisir d'avoir des œufs de cet oiseau-là? Oh, qu'à cela ne tienne, vous en aurez, ou bien jamais cette petite bête-là n'aura niché par ici. Le docteur se retira en se frottant les mains. Bien qu'il n'eût qu'un point d'interrogation à tracer sur ses tablettes à l'article fauvette bleue, il se sentait heureux et content. À ses côtés, Bistori sautait et gambadait, comme s'il eût compris la joie de son maître. Ils allaient donc gaiement, tous les deux, l'homme et le barbet, foulant le sable fin de ces terres d'alluvions fertiles et profondes. Une forte brise de l'ouest, poussée par des nuages bruns qui traversaient l'espace l'un après l'autre comme des ballons, faisait frémir les léards, frissonner le feuillage blanchâtre des luisettes et murmurer les flots jaunes de la Loire. L'eau appelle le vent, qui lui donne la vie et l'animation. De larges voiles, gonflées comme des outres, apparaissaient au-dessous de l'île de Béhuard. Des mouettes noires au ventre blanc prenaient leurs ébats sur les grèves en répétant à l'envi ces cris étranges qui ressemblent tantôt à des rires, tantôt à des gémissements. Le docteur, qui avait longtemps navigué sur la mer, ne pouvait rester insensible au spectacle de ce grand fleuve, doucement agité par une brise d'ouest, encore imprégnée de la salure de l'océan. Il s'assit et regarda devant lui les voiles qui remontaient le courant. En avant du convoi, un petit bateau très léger et monté par deux hommes semblait voler sur l'eau. L'un des deux mariniers piquait des branches de saule dans le lit du fleuve pour marquer les passes, et l'autre manœuvrait la voile. Ce batelet était un aviso marchand en éclaireur devant une flotte. Il précédait un train de 7 forts bateaux lourdement chargés, tous attachés à la file et le plus grand en tête, à la différence des caravanes du désert, qui commencent par un âne pour finir par le plus haut des chameaux. Ils avançaient assez vite sous l'effort de leurs voiles immenses. Dans ce temps-là, on ne comptait que très peu de ponts sur la Loire, et les bateaux plats, parfaitement gréés, franchissait en un jour des espaces de 20 lieues, pourvu que le vent soufflât d'une façon régulière. La flottille arrivait donc, refoulant le courant et traçant un long sillon d'écume. Elle atteignait la hauteur de l'île de Béhuard, grave et solennelle dans sa marche, élevant ses mâts par-dessus les plus grands arbres, quand le petit bateau parti en éclaireur fit un signal, et aussitôt tout le train s'arrêta. L'eau manquait entre deux grèves. Pour aller au-delà, il fallait attendre une crue. Peu à peu, les grandes voiles s'abattirent les unes après les autres. Les girouettes qui s'agitaient seules à la cime des mâts dépouillés semblaient autant d'oiseaux captifs se débattant dans les airs. Une ancre fut portée à la pointe de la grève et les sept grands bateaux, retenus par un câble, s'alignèrent au milieu du fleuve.